Je viens de la rue, je viens du bitume, je viens de la jungle et j'ai faim. Laisse-moi passer ma route tranquillement, toujours serein. Les toxicos défoncent les veines à la seringue. J'ai à peine parlé français comme demande d'être bilingue. La rue c'est laid, c'est trop laid. Comment arriver sans enfreindre avec le chemin que j'emprunte. J'ai pas la tête du bon nec, pas la tête de l'emploi. Je veux seulement du bien-être, ça gêne en quoi. Beaucoup de clodos se brisent le dos pour ramasser quelques mégots. Ramassez votre ego. Je viens de la rue, je viens du bitume sans une thune. Et j'ai un CV aussi léger qu'une plume. Ici c'est tellement sec, les blocs ressemblent aux dunes. Et nos trottoirs sont tous bordés de putes. Tous ces sales flics ont tous des strings sous leurs jupes. Faut tous qu'on les bûche. Je viens de la rue, je viens de la rue. Je viens de la rue, je viens du bitume, je suis essoufflé. Je descends du 15ème étage. La rue, je viens sans rien, je viens les mains vides. J'ai juste mes grosses couilles et je m'invite. La rue, je viens d'Afrique, je viens de là-bas, de la Côte d'Ivoire. On est tous venus pour le fric. La rue, ne joue pas la racaille si t'as de l'argent. Reste simple, reste humble. C'est seulement pour les flics qui a du boulot. Ou pour les sales putes au bois de Boulogne. T'as la gâchette facile, n'oublie pas que les juges on la perpète facile. L'heure est grave, l'heure mère les putes. L'heure n'est plus à la discussion. L'heure putain de justice n'est plus à la suspicion, mais à la détention. Je viens de la rue et je rêve de grands boulevards. Mais les grands boulevards n'aiment que les hommes au grand pouvoir d'achat. Renoir, Rabza, restons à Téléchat. On leur fait peur avec nos grandes écharpes. Avec nos crânes rasés et nos barres. La France a peur de tout, même de la vague. Avec mon français déglingué, même à la barre. Tu peux m'expulser, je reviendrai, je mènerai la barre. M'amène la banlieue devient d'art. M'amène dépose les meuhards. Les flics tirent trop enda. Les flics n'aiment pas la rue. Je viens de la rue, je viens du bitume, je suis essoufflé. Je descends du 15ème étage. La rue, je viens sans rien, je viens les mains vides. J'ai juste mes grosses couilles et je m'invite. La rue, je viens d'Afrique, je viens de là-bas, de la Côte d'Ivoire. On est tous venus pour le fric. La rue, ne joue pas la racaille si t'as de l'argent. Reste simple, reste humble. Dans la rue, faut oser s'imposer, parfois choquer les potes. Rester à la page, la sable et les nouveaux téléphones. Je viens de la rue de la flamme, où on brise les lois. On méprise l'État et puis son cul de la France. Je viens de la rue de la gaieté, péter tout l'été. Certains fument et d'autres abusent de la CC. Je viens de la rue de la mort, à base de la bavure. Où les balles fusent et la bague use de la force. Je viens d'une rue à sens unique, mène droit dans le mur, sois-en sûr, on peut pas s'en sortir sans s'unir. Je viens de la rue de l'espérance, qui débouche directement sur le chemin de la persévérance. Je viens d'une rue sombre, où tu sombres si tu gardes pas la tête. Écarte-toi, ça pète. Et ça te mène à la rue de la paix. J'espère aller assez loin pour arriver rue de la paix. La rue, je viens de la rue, je viens du bitume, je suis essoufflé. Je descends du 15ème étage. La rue, je viens sans rien, je viens les mains vides. J'ai juste mes grosses couilles et je m'invite. La rue, je viens des Antilles, je viens de là-bas, de la Martinique. On est tous venus pour le fric. La rue, ne joue pas la racaille si t'as de l'argent. Reste simple, reste humble. La